Un jour ou l'autre nous tomberons et notre lumière s'éteindra. Quand ce jour viendra, nous partirons et notre vie s'arrêtera. Ange ou démon, enfer ou paradis, dis-moi tout ce que ça t'a appris. Y'aura pas d'issue si tu lâches prise. Un jour ou l'autre nous comprendrons que tout ça n'était qu'un rêve. Que tout là-haut dans le ciel, il n'y a jamais personne qui nous surveille. On invente des tas de choses pour nous aider à aller de l'avant. Mais le jour où l'on vivra dans le vrai, nous vivrons réellement. Trop de gens saoulés, trop de temps écoulé. Bien trop de larmes ont coulé, dégoûté, égoutté, je me sens dérouté. Un jour ou l'autre peut-être que nous aurons les réponses. Pourquoi dans cette ville les roses sont-elles moins nombreuses que les ronces? Un jour ou l'autre les rancœurs et les rancunes partiront. Un jour ou l'autre les bonheurs et joies de vivre arriveront. Il faut qu'on grimpe, mais il ne faut pas qu'on se vautre. Tout se passera bien, on y arrivera un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, on y arrivera un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, tu verras que les vrais amis se comptent dans une main. Que tôt ou tard il faut taffer et que se mettre bien ça sert à rien. Tu comprendras qu'il faut lever les yeux, tracer ta route. Que tes parents te regardent et t'attendent pendant que tu chattes sur Facebook. Un jour, tu sauras que tout se passe pas toujours bien dans notre odyssée. Tu ne feras jamais le métier que t'avais prévu au lycée. Un jour ou l'autre tu diras que tout ça n'en vaut pas la peine. Puis tu comprendras qu'il faut se battre et ne pas manquer à l'appel. Un jour viendra, tu verras que la mort touche aussi à tes proches. Que la vie est bien trop courte pour la haine et les reproches. Approche, un jour ou l'autre on brillera avant que notre vie s'éteigne. Certes, il faut que ça rentre dans ton cœur et que ça fasse des étincelles. Un jour ou l'autre, les rancœurs et les rancunes partiront. Un jour ou l'autre, les bonheurs et joies de vivre arriveront. Il faut qu'on grimpe, mais il ne faut pas qu'on se vautre. Tout se passera bien, on y arrivera un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, on y arrivera un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre.